Le vent peut être gênant en conduite, et particulièrement sur les routes à sens unique où l'on roule vite. Quand le vent est régulier, le risque se produit lorsqu'on passe d'une zone exposée à une zone protégée. Il n'y a pas besoin d'une forêt pour cela. Dépasser un poids lourd peut créer les mêmes phénomènes. Ici, si le vent vient de gauche, je serai toujours sous l'effet du vent en dépassant, donc il n'y a pas de risque supplémentaire de faire un écart. En revanche, si le vent vient de droite, le car me protégera des rafales pendant le dépassement. Je devrai compenser un écart vers la droite au début du dépassement, et il ne faudra pas oublier de compenser l'écart à gauche au moment où je passerai devant le car. Réponse A.